Quel est votre état d'esprit pendant que votre musique se déroule? Il y a plusieurs situations d'écoute. Il y a l'écoute pendant que je fais les choses, et c'est une écoute hypercritique. Enfin, pas exactement. En un premier temps, s'il y a un mélange d'écoute et de faire, la dimension est tout à fait autre et différente. Puis, dans la phase intermédiaire, enfin dans la phase qui précède la mise en place finale, vient l'écoute critique. Et c'est assez difficile à supporter cette période-là. Puis, au moment où le produit est achevé, il y a un court moment de certitude évidente, tranquille, qui est suivi rapidement par le sentiment d'un compromis, à savoir que c'était cela, mais pas tout à fait ce que je voulais faire. C'est ce qui approche le plus ce que j'ai voulu faire. Je n'aurais parlé au passé, enfin, en ce qui concerne cette pièce, puisqu'elle a été terminée en 1974, donc elle n'est plus toute neuve. Puis me dire, comme les grands sportifs, ben, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Est-ce qu'il vous arrive, indépendamment de ce que vous disiez au sujet d'Adnos, d'avoir préalablement à la réalisation même de la partition, une intention extra-musicale? Sous forme imagée, non. Mais il y a assez souvent une sorte de projection mentale, si l'on veut, qu'elle soit formelle. En ce qui concerne Adnos, par exemple, mon propos était de partir d'une matière sonore en état d'équilibre, un équilibre évident, une assez grande fermeté, mais très vibrante. Et la représentation imagée que je pouvais en donner était celle d'un cône bien placé sur sa bande, bien sur sa base. Il est sur bande maintenant. Et de parvenir à établir ce matériau sonore en son état final dans une situation parfaitement renversée, qui serait l'image d'une coupe conique avec un creux à l'intérieur. Alors, je ne sais pas du tout si les sons qui résultent de cette image rendent compte de ce propos, d'autant plus que cette image même n'était destinée qu'à fixer pour moi une manière de développer le cours des sons. Je veux dire que ce n'est pas l'image qui a présidé à la conception d'Adnos, mais lorsqu'il me fallait en imaginer une forme antérieurement à la forme que cela pouvait avoir avec les sons, que d'une certaine façon je pouvais entendre avant de les avoir faits. C'était ce qui pouvait le mieux rendre compte de l'intention. Alors si c'est ce que vous entendez par image, alors oui, il y a effectivement quelquefois des images mentales donc, qui précèdent à la réalisation d'une œuvre.